podcast France Culture. La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Saison 3, maintenant en podcast natif. Épisode 1, l'échec du couple. Il y a bien longtemps. Dans les années 2020 ou quelque chose. On a admis enfin l'échec du couple. Écoute Jean-Pierre, on n'y arrive pas. Laissons tomber une fois pour toutes. Ok. À partir de là, tout le monde se détendit. Tu fais quoi Jean-Pierre? Eh bien tu vois, je lis le journal. On baise? Écoute volontiers. On réalisa que depuis trop longtemps, on était étranglés entre deux modèles. D'un côté, le couple était la reproduction de la cellule familiale. Jean-Pierre, j'ai fait les boulettes. Oh, super. Ce qui interdisait plus ou moins l'infidélité. Ou en tout cas, la rendait problématique. Jean-Pierre, je lis dans ce magazine de psychologie que si on ne va pas partouser en club échangiste un week-end sur deux, c'est qu'on a raté sa vie. Oui, ça fait sens. Que faire? D'un autre côté, le couple était une transaction. Un arrangement contractuel dans lequel il fallait veiller à rester gagnant. Il n'y a vraiment que ma mère et toi pour réussir les boulettes comme ça, chérie. Et il n'y a vraiment que toi, Jean-Pierre, pour faire ce métier hyper chiant dans la finance et gagner 6000 euros par mois. Alors on abolit purement et simplement le couple. C'était une décision prise un peu vite. Sur un coup de tête. Mais elle ne provoqua pas de catastrophe. Ok. Tout semblait pouvoir fonctionner comme avant. On va chez ta mère à Arcachon pour les fêtes? Excellente idée, ma foi. Ok, demande-lui vite au cas où elle accueille encore des réfugiés ou je sais pas quoi. T'as raison. Je vais l'appeler tout de suite. C'était à se demander pourquoi on n'avait pas admis l'échec du couple des années plus tôt. Alors, c'était comment Arcachon? C'était trop marrant. Jean-Pierre s'est encore foutu de la sauce des boulettes partout. Quel con, ce Jean-Pierre. Ça nous a rapprochés, je crois. C'est vrai. Lentement, l'humanité prenait conscience d'une erreur plusieurs fois millénaire. Le monument aux victimes du couple a été dévoilé hier matin. Des centaines de curieux étaient là pour admirer ce tube de dentifrice débouché de 4 mètres de haut qui commémore les disputes conjugales de l'humanité depuis la nuit des temps. Mais ça fait forcément quelque chose quand on pense à tous ces gens qui étaient obligés de se supporter tous les jours. Ça a l'air d'être loin dans le temps, mais ça pouvait arriver encore très récemment. La preuve, moi-même, il y a 6 mois, je vivais avec quelqu'un qui jetait encore tous ses agrumes au compost. Des blessures psychiques fraîches pour certains, certaines, mais qui vont pouvoir enfin commencer. Ça fait réfléchir, hein, Jean-Pierre? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on mange? Je pars chez ma mère ce soir pour toujours. T'as des boulettes au congélateur pour la semaine qui vient. Ah, super. Les gens redécouvrirent les joies simples du célibat. Dormir en travers du lit. Se nourrir de taboulés industriels. Admirer des heures durant le tube de dentifrice enfin rebouché. Ou débouché, selon de quelle école vous étiez. Quant à la question de la reproduction, grâce au progrès de la génétique, elle fut résolue en quelques années. On élevait simplement des clones de soi. Il vous en faut combien? Je sais pas trop, je vais commencer avec 2. Sucez ce coton-tige, s'il vous plaît. De toute façon, une fois que vous avez une portée, vous pouvez facilement faire des boutures. Ah, super. Au plan éthique, ce fut difficile à admettre au début. Mais on finit par y arriver. On s'était bien habitué aux trottinettes électriques, alors pourquoi pas ça? Salut Jean-Pierre, ça va? Salut. Bonjour, super. Oui, ça va. Évidemment, ça donnait lieu à des situations cocasses, etc., etc. Mais ça pourra fournir la matière d'un prochain épisode. Jean-Pierre, à table! Bref, tout se passait tellement bien. On commençait à se demander où était le piège. Puis on se rappela le poids de la solitude. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. On se rappela combien il était difficile de mettre la table. Ou, une fois le repas fini, de passer un coup d'éponge. Quand de toute façon, on ne se nourrissait plus que de pizza livrée à domicile. Bonjour, je voudrais refaire ma cuisine. Oui, quelles sont vos priorités? Alors, ce qu'il me faut surtout, c'est un plan de travail assez large pour poser un carton à pizza. Je vois. Par contre, on a beaucoup de demandes dans ce sens, donc il y aura un peu d'attente. D'accord. La solitude. C'était un peu le boss de fin avant le game over de la mort. On avait oublié combien elle était difficile à battre. On essayait un peu tout ce qu'on connaissait contre cette vieille ennemie. La drogue, évidemment. Ça va, Jean-Pierre? Non, pas vraiment, j'ai pris de la drogue. Hein? Quoi? Mais t'es malade? Non, t'inquiète pas, je me suis strictement borné à la consommation de substances légales. J'ai bu 4 flashs de Label 5 et j'entame ma 2e cartouche de clope. Ah bon? Tu me rassures. Tu veux un café? Tu veux un café? Non, merci. Mais aussi la junk food. pourrait quand même faire des fours à micro-ondes de la taille des cartons à pizza, putain. C'est tout vrai. À fait. Bien sûr. Clair, on n'a pas des normes européennes. Le binge-watching. J'espère que Ross et Rachel vont se remettre ensemble. Quoi ? Mais enfin, les gars, tout le monde sait. Les rencontres. Ouais, je fais du marketing visuel en freelance pour des grosses boîtes de consulting, mais à l'origine, ma passion, c'est plutôt les cupcakes et la nostalgie des années 90. Et toi, tu travailles dans la finance, c'est ça ? Oui, c'est ça. 6 000 euros par mois. Le sexe occasionnel. Bon, bah, c'était cool. Je vais y aller pendant qu'il y a encore des métros. Merci pour l'anulingus, en tout cas. On se refait ça quand tu vas en distanciel ? Avec plaisir. Salut les gars ! À la prochaine, c'était super ! Et même, pour les plus courageux... La famille. Maman... Il n'y a que toi pour réussir les boulettes aussi bien que... Oh, t'inquiète pas, moi aussi j'ai oublié son prénom. C'était pas Jean-Pierre ? Ah mais non, bien sûr, Jean-Pierre, c'est toi. Mais quand même, ça n'était plus comme avant. Tout était plus laborieux. La vie paraissait plus longue. Même pisser dans le lavabo n'était plus aussi émancipateur qu'au tout début. Faites la queue, les gars ! On se trouva devant une alternative. Soit on rétablissait le couple. Ce qui était hors de question. Soit on annulait aussi le célibat. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous rester ? C'est ainsi que naquit l'ère du collectif. Aujourd'hui, il n'y a plus de couple. Plus d'individus non plus. Plus d'enfants. Plus de parents. L'ego s'est dissolu une fois pour toutes dans la mélasse du grand kibbutz sentimental universel. On avait plusieurs fois tourné autour du pot. Mais qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont réac ? Mais on ne l'avait jamais fait vraiment. Et maintenant qu'on l'a fait ? On se pose les mêmes questions qu'avant. Mais on se les pose collectivement. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Est-ce que l'amour, c'est toujours comme le dessous d'un vieil évier ? Est-ce que ça sert à quelque chose de reboucher le dentifrice ? Est-ce que le couple, ça existe en vrai ? Qu'est-ce qu'on mange ? Et on sait déjà qu'aucun de nous n'a la réponse. Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ? C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Elisabeth Mazel, Mario Bastelica, Juliette Alozen, Cyril Texier, Ursule, Benoît Guibert, Adeline Chagnot, François Debreuil, Annabelle Croze, Samuel Roger, Laurence Maillot, Alain Forleger, et les voix de Clémence Bûcher et Anne Orenstein. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher. Réalisation, Benjamin Habitant.